Mais c'est sûr que vu qu'il n'y avait pas les béquilles qu'on a aujourd'hui, là, c'est-à-dire téléphone, message texto, courriel, donc là, on a beaucoup de béquilles technologiques qui peuvent compenser un manque de télépathie. Ben oui, ben c'est comme, tu avais, je ne sais plus trop dans quel coin de l'Afrique, tu avais deux villages, ils se parlaient à travers des pots magiques. C'est des petits pots que tu mets de l'eau dans le fond, puis tu parles dedans. OK. Puis ils se parlaient d'un village à l'autre avec des moyens comme ça, magiques, là. Mais c'est vibratoire, mais c'est lié à de la télépathie. Il n'y a pas une voix qui sortait nécessairement. Au niveau de la vibration des corps, puis tout, ils venaient à bout de se parler. Puis il dit, la minute que les missionnaires occidentaux puis que les premiers blancs sont arrivés, on en a perdu la faculté. Ça marchait plus. Pourtant, ça faisait des millénaires. Donc, c'est un peu comme tu as d'autres cas, c'est des Autochtones aux États-Unis. La minute qui est arrivée des Occidentaux, ils n'ont plus eu le même type de rêve. Ils disaient, avant, on avait des rêves, puis on pouvait parler avec les anciens. Les anciens venaient nous parler dans les rêves, puis la minute que les Occidentaux puis des missionnaires sont arrivés, on a été coupés.